car quoiqu'elle eût dû mettre bien souvent sa signature au bas d'acte notarié, on était toujours venu les lui faire signer à l'hôtel de la rue Monsieur. Quand elle se trouva dans une grande pièce où sur des tables à pupitres en bois noircis travaillaient une dizaine de clercs, elle se trouva intimidée sous le feu de tous ces yeux qui s'étaient levés sur elle. Mais le second clerc qui la connaissait et qui dirigeait cette étude accourut avec les démonstrations de la plus respectueuse politesse. « Madame la comtesse désire voir monsieur le jeuneste, sans doute. Je vais m'informer s'il peut recevoir. » Le notaire lui-même apporta la réponse en venant au-devant de sa cliente qu'il fit entrer dans son cabinet. La demande que Ghislaine avait à présenter était bien simple. Cependant, ce fut avec un extrême embarras qu'elle s'expliqua. Heureusement, depuis longtemps, le vieux notaire était habitué à ne pas laisser deviner qu'il remarquait la gêne d'un client, encore moins d'une cliente. Aussitôt qu'il put comprendre ce dont il s'agissait, il alla à une grande caisse qu'il ouvrit et en tirant la pièce qui lui avait été confiée par M. de Chambray, il la remit à Ghislaine. Elle eût voulu sortir au plus vite pour déchirer l'enveloppe et lire cette pièce, mais le notaire ne lui en laissait pas la liberté. Il parlait de Claude et il fallait bien qu'elle l'écoutât. « Par Monsieur le comte d'Unières, j'ai appris tout l'intérêt que vous inspire cette chère enfant et toute la tendresse que vous lui témoignez. Dans son isolement, c'est un grand bonheur pour elle. Une mère, me disait Monsieur le comte, n'aurait pas plus d'affectueuse sollicitude. » Il continua assez longtemps ainsi, mais sans insister cependant, et en gardant la mesure qu'il savait mettre en tout. Enfin, elle put se lever et, conduite par le notaire, regagner sa voiture.